Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé de la naissance du cinéma au sens général, de la naissance du cinéma muet et de la naissance du cinéma parlant, nous allons parler aujourd'hui d'un style de cinéma en particulier, le style western. Nous allons parler de sa naissance et des tout premiers films de ce style, ainsi que de l'évolution de ce style, et cette émission sera la partie numéro 1. Pour commencer, voyons la définition du style western. Le western est un genre cinématographique dont l'action et les événements se déroulent majoritairement en Amérique du Nord, plus spécifiquement aux États-Unis, lors de la fameuse conquête de l'Ouest dans les dernières décennies du 19e siècle. Le style western est apparu dès la naissance du cinématographe en 1895, en succession directe de la littérature et la peinture, prenant pour thème l'Ouest américain. Le genre du western connaît son apogée aux États-Unis au XXe siècle, avec l'âge d'or des studios hollywoodiens, avant d'être réinventé par les cinéastes européens dans les années 1960. Le terme western a été appliqué postérieurement à d'autres arts visuels ou littéraires comme la peinture, la télévision, la bande dessinée ou encore le roman. Il désigne aujourd'hui toute production artistique influencée par l'atmosphère de la représentation cinématographique de l'Ouest américain. Il est courant de limiter le western à son décor, donc le territoire des États-Unis, et à la période qu'il représente, qui s'étend de la fin de la guerre de sécession en 1865 à la disparition de ce que nous appelons la frontière sauvage de 1865 à 1890. Cependant, ce genre ne saurait être totalement défini par ces deux caractères. En effet, l'action du film intitulé Les Désaxés, de John Huston, sorti en 1961, que nous pouvons rattacher au style western, se déroule au XXe siècle. Nous avons également coutume à rattacher au genre des œuvres se déroulant durant la guerre de 7 ans, qui s'est déroulée, je le rappelle, de 1756 à 1763, comme le roman intitulé Le Dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper, est sorti en 1826, ainsi que des films retraçant la guerre d'indépendance contre les Anglais qui se déroula de 1775 à 1783. Voyons maintenant plus en détail les origines du style western. Le western, que nous pouvons traduire littéralement par « de l'Ouest », trouve ses origines au plus profond de l'histoire des États-Unis. Il retrace en effet un épisode symbolique de la naissance de la nation américaine. En effet, la conquête de l'Ouest, la guerre de sécession et les guerres indiennes qui se sont déroulées au XIXe siècle témoignent de la violence et de la douleur qui furent nécessaires à la construction du pays. Avant d'être un genre cinématographique, le Far West était un sujet de littérature. Les auteurs de ces romans étaient américains mais aussi européens, comme l'auteur allemand Karl May, né le 25 février 1842 à Hohenstein-Ernstthal, en Allemagne, et mort le 30 mars 1912 à Radebeul, en Allemagne, ou encore l'auteur français Gustave Aimard, né le 13 septembre 1818 à Paris, et décédé le 20 juin 1883 dans la capitale à l'âge de 64 ans. À partir des années 1880, le Far West fut le thème de nombreux spectacles, comme le célèbre Wild West Show de William Frederick Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill, né le 26 février 1846 à DeClaire, dans le territoire de l'Iowa, et décédé le 10 janvier 1917 à Denver, dans le Colorado. Buffalo Bill était notamment chasseur de bisons et directeur d'une troupe théâtrale. La reproduction de l'Ouest est alors romancée, mais elle aussi empreinte de réalité, puisque nombre de ses artisans y vécurent une partie de leur vie. En effet, Buffalo Bill avait chassé le bison, Gustave Aimard avait été trappeur, etc. En 1900, le thème est populaire depuis longtemps et il devient donc, naturellement, une source d'inspiration pour les pionniers de l'industrie cinématographique. Le statut du tout premier western est attribué aux films de Edwin Stanton Porter et Wallace McCutcheon, sorti en 1903, intitulé « Vol du Grand Rapide ». Ce film de 20 minutes montre l'attaque d'un train par des bandits à cheval. Ce genre de production s'inspire directement de faits récents comme les exploits du Wild Bunch dans les années 1890. Le Wild Bunch était un groupe de hors-la-loi basé en territoire indien qui sévissait dans le Kansas. Dans le Kansas, le Missouri, l'Arkansas et le territoire de l'Oklahoma durant les années 1890. Très vite, le style western prendra ses libertés vis-à-vis de la réalité. Le cinéma a légèrement mythifié des éléments centraux comme le fameux cow-boy, car au départ, ce personnage était un simple vacher, mais fut transformé en héros vertueux aux qualités irréprochables. Ce style de cinéma a également construit une légende autour de figures emblématiques, telles que Billy the Kid, probablement né le 23 novembre 1859 à New York, est décédé le 14 juillet 1881 à Fort Sumter à l'âge de 21 ans. Une autre figure emblématique autour duquel ce style de cinéma a construit une légende était Jesse James. Né le 5 septembre 1847 à Kearney, dans le Missouri, et décédé le 3 avril 1882 à l'âge de 34 ans à Saint-Joseph, dans le Missouri. Le western s'est inspiré de faits comme la fusillade d'Oka Corral, qui s'est déroulée le mercredi 26 octobre 1881 dans la ville de Tombstone, dans l'Arizona, qui fut mise en scène dans de nombreux films. Pour la petite anecdote, à la fin du film de John Ford, « L'homme qui tua Liberty Valance », sorti en 1962, une phrase résume le western. Je cite « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ». Fin de citation. À l'aube du XXe siècle, la conquête de l'Ouest est à peine terminée. Les acteurs et les décors à disposition sont authentiques. Toutefois, la plupart des premiers films américains sont tournés sur la côte Est plutôt que sur la côte Ouest, avant que les studios ne déménagent à Hollywood en 1910. Les premiers enregistrements sur le fameux Far West montrent les scènes contemporaines du tournage et n'ont aucune volonté historique. Car à cette époque, le western n'est pas un genre à proprement parler. Le terme est plutôt utilisé comme adjectif pour définir les comédies ou les mélodrames se déroulant dans l'Ouest, comme ceux de D.W. Griffith, qui était un réalisateur né le 22 janvier 1875 au manoir de Lagrange à Crestwood dans le Kentucky, et décédé le 23 juillet 1948 à Hollywood en Californie. À cette époque, on parle de western comedy ou de western romance. Le terme s'impose en tant que genre à part entière seulement à partir de 1920. La première star du western est Gilbert M. Anderson, né le 21 mars 1880 à Little Rock en Arkansas, et décédé le 20 janvier 1971 à South Pasadena en Californie à l'âge de 90 ans. Cet acteur fut très actif dès 1908. C'est lui qui développa à l'écran le personnage du cow-boy et surtout celui du hors-la-loi réformé. Les deux grandes vedettes du western muet arrivèrent dans les années 1910. Il s'agissait de William S. Hart, né le 6 décembre 1864 à Newburgh, New York, et décédé le 23 juin 1946 à New Hall aux États-Unis à l'âge de 81 ans. Et il s'agissait également de Tom Mix, né le 6 janvier 1880 à Mix Run en Pennsylvanie, et décédé le 12 octobre 1940 à Florence, en Arizona, à l'âge de 60 ans. Bien que ces deux acteurs furent les vedettes du western muet, ils étaient diamétralement opposés. L'action des westerns muets étant le plus souvent contemporaine du tournage, on voit y apparaître au cours du temps des signes de modernité, comme l'apparition du téléphone et de la voiture. Mais en contraste, le genre acquiert aussi sa dimension historique avec l'apparition des westerns épiques, comme La Caravane de l'Ouest, sorti en 1923. Le Cheval de Fer, également sorti en 1924, ou encore Trois Sublimes Canailles, sorti en 1926. Ces films se concentrent davantage sur l'histoire de l'Ouest et placent les côtés mélodramatiques et sentimentaux au second plan. Ils apposent certains codes du genre, comme la traversée de la rivière par les convois et troupeaux. Les pionniers du western durant l'époque du cinéma muet hors Amérique étaient Joe Haman, né le 26 octobre 1883 à Paris et mort le 30 juin 1974 à Dieppe à l'âge de 90 ans, qui a inventé le premier western français, et Giacomo Puccini, né le 22 décembre 1858 à Luc, dans le Grand-Duché de Toscane, et mort le 29 novembre 1924 à Bruxelles, qui a écrit avec son opéra La Fanciulla dell'Ouest, dont la première représentation a eu lieu le 10 décembre 1910 au Metropolitan Opera de New York. Cette création fut le premier western spaghetti ou western italien. Joe Haman tourne le film Cowboy en 1906. Le premier western, selon lui, est le Desperado en 1907 pour la firme Lux. Après sa rencontre avec Folco de Bartoli Ravone, né le 1er décembre 1869 à Aix-en-Provence et décédé le 15 décembre 1943. Il tourne ses films en Camargue, faisant appel au réalisateur chevronné Jean Durand, né le 15 décembre 1882 dans le 18e arrondissement de Paris et décédé le 10 mars 1946 dans le 10e arrondissement de Paris à l'âge de 63 ans. Le style western a également eu droit à ses séries B. Le premier western parlant intitulé In Old Arizona, tourné dans le parc national de Zion, dans le sud-ouest de l'état de l'Utah, en Amérique, en 1928, montre qu'il est possible de surmonter les difficultés liées à la prise de son en extérieur. En 1930, sort La Piste des Géants et était considéré à l'époque comme le film le plus important jamais produit. Il était tourné au format large avec le procédé grandeur, qui était un format de 70 mm de pellicule cinématographique permettant de projeter un film au format large. Il devait être une révolution technologique, mais il fut un désastre commercial, car le format 70 mm utilisé nécessite de rééquiper toutes les salles de cinéma, mais la conjoncture économique liée à la Grande Dépression n'y était pas favorable. Cet échec marque l'extinction des grands westerns pour près d'une dizaine d'années. En 1930, avec l'apparition du double programme, le western se tourne vers la série B, dont il devient le plus grand représentant. Ce western B s'inscrit directement dans la lignée des productions à bas budget instaurées par Tom Mix quelques années auparavant. Dès 1932, la plupart des stars du western muet, comme Hoot Gibson, Ken Maynard, Buck Jones ou encore Tim McCoy, s'y sont reconvertis avec succès. Le western B connaît, durant les années 1930 et 1940, une popularité qu'il est difficile de s'imaginer aujourd'hui, d'autant plus qu'il fut peu, voire très peu distribué en dehors des États-Unis. Le succès du western B s'explique majoritairement par ses coûts extrêmement faibles. En effet, certains films sont tournés en quelques jours avec un budget de $10,000, ce qui est très peu pour la production d'un film. Ces films tournent majoritairement entre 50 et 60 minutes. Sur les années 1930, environ 1 millier de ces productions voient le jour. En 1935, la mode du cow-boy chantant est lancée par Gene Autry, né le 29 septembre 1907 et décédé le 2 octobre 1998 à l'âge de 91 ans, qui est passé de la radio à la télévision. Il est suivi par Tex Ritter, né le 12 janvier 1905 et décédé le 2 janvier 1974 à l'âge de 68 ans, et surtout par Roy Rogers, né le 5 novembre 1911 et décédé le 6 juillet 1998 à l'âge de 86 ans. Autry et Rogers atteignent une énorme célébrité. En tête de tous les classements, ils font partie des acteurs les mieux payés de Hollywood dans les années 1940. Dans les années 1950, avec le déclin du Western Bay, tous les deux se tournent vers la télévision et animeront chacun leur émission. Plusieurs autres stars du Western Bay, comme William Boyd, se convertissent au petit écran. C'est ainsi que se termine cette première partie sur le style western. Ce style est tellement complet qu'il y a trop de choses à dire dans une seule émission, dans un temps limité. C'est pourquoi je vous invite à écouter l'émission de la semaine prochaine pour la partie 2. Dans la deuxième partie, nous parlerons plus en détail de la période classique du western, ainsi que des différentes déclinaisons de ce style, comme le western spaghetti, que j'ai légèrement évoqué dans l'émission que vous venez d'écouter, ou encore du western ou western rouge, dans lequel on retrouve le western crépusculaire, par exemple. Nous parlerons également des lieux de tournage, des thèmes abordés, et de quelques autres informations sur ce style de cinéma. En attendant, moi je vous laisse ici. Si vous avez aimé ce nouveau numéro de La Créhistoire du cinéma, je vous invite à nous le dire sur notre page Facebook Radio Gemozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. C'était Chris et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.